Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec France Culture. Un autre jour est possible jusqu'à 6h30, votre réveil culturel. Good evening, fire service. Hello, my name is Dick Halloran. I'm the head chef up at the Overlook Hotel. Good evening, Mr. Halloran. What can I do for you? Sir, I've been trying to make an urgent phone call up there. But the operator said that the phone lines are down. Yeah, I'm afraid a lot of lines around here are down due to the storm. And with the storm and everything, I'd sure appreciate it if you'd give them a call on your radio just to see if everything's okay. I'll be glad to do that, sir. Why don't you call me back in about 20 minutes? Thank you very much. I'll do that. All right, sir. Le polar dans tous ses états, notre série avec Alain Léautier, qui a coordonné un hors-série consacré au genre pour Marianne. Aujourd'hui, troisième épisode. Et cette fois-ci, on va voyager avec vous, Alain Léautier, puisqu'on va du côté de l'Amérique du Sud. Oui, l'Amérique du Sud, nouvel Eldorado de la littérature de genre. Je devrais dire peut-être aussi nouveau, mais ancien. Car en réalité, quand on se plonge dans l'histoire de la littérature genre dans le monde, on s'aperçoit que ce qu'on imagine être fondamentalement nouveau ne l'est pas toujours. La littérature de genre en Amérique latine est très ancienne en réalité. Elle a des figures, elle a une figure marquante, c'est Borges. Borges qui a dit le tout et son contraire sur la littérature policière, à la fois que les grands auteurs du XXe siècle étaient tous des auteurs ayant écrit des romans policiers. Ce que disait d'ailleurs également, ce que dit également de manière un peu provocante quand il a pris la série noire, il a assumé la direction de la série noire, Patrick Crénal, où il citait quelques-uns des très grands écrivains américains de ces dernières années. Donc Borges disait le tout et son contraire, à la fois que c'était une littérature majeure et qu'il n'y avait pas de littérature plus artificielle que la littérature policière, car en réalité, ce ne sont pas les investigations qui permettent de résoudre les crimes, mais la délation. Borges a pris la direction d'une collection consacrée à la littérature policière, essentiellement autour de ce qu'on appelle la littérature de détective. Il adorait Conan Doyle, il adorait Sherlock Holmes, il adorait un écrivain britannique majeur, Chesterton, qui, entre autres œuvres, avait créé un personnage de détective catholique. Ce qui, évidemment, passionnait Borges dans la littérature policière, ce n'était pas sa dimension de réalité, sa dimension de critique sociale. Borges n'est effectivement pas très connu pour ça, mais plutôt la dimension mathématique, la dimension de jeu et l'infinie possibilité de combinaison que l'enquête de police autorise et à quel point elle permet de jouer. Et je vais reprendre le titre d'un de ses livres les plus célèbres, à quel point elle permet de jouer avec les fictions. Et aujourd'hui, que se passe-t-il dans ce continent? Est-ce qu'il y a un renouveau du polar? Est-ce qu'il y a des auteurs de polar? Est-ce que les polars sont aussi appréciés au Brésil, au Mexique, en Argentine, au Pérou? Je pourrais énoncer des dizaines d'auteurs. Je vais vous en citer quelques-uns, vous allez me dire si vous les connaissez. Très bien. Paco Ignacio Taibo II. Non. Mexicain, admirateur de Che Guevara et écrivain préféré de Bill Clinton. Comment peut-il concilier les deux? Mais il concilie pas Clinton, c'est Clinton qu'il adorait. Il n'a jamais lui-même exprimé son avis personnel sur Clinton. Vous voulez dire que ces polars n'avaient pas d'incidence politique, on pouvait pas avoir une lecture politique? Ah, ils sont totalement politiques. Bon, ils sont politiques et humoristiques, car c'est un grand humoriste devant l'éternel, Paico. Paco Ignacio Taibo. Ils sont fantastiques, ils sont désordonnés. Un de ses livres les plus célèbres en France, qui s'appelle Ombre de l'ombre, compte la saga de quatre hommes libres proches de Pancho Villa dans le Mexique d'après la Révolution. On peut dire que Paico est un gauchiste et un jouisseur et assumé comme tel. Et ses romans, qui sont absolument formidables, sont à la mesure de cette double qualification gauchiste et jouisseur. Et aujourd'hui, c'est quoi la tendance ? Alors, pardon, je vais vous citer un autre écrivain, Martin Solares. Non plus. Écrivain mexicain, absolument formidable. Voilà, on pourrait en citer ainsi une quantité. Il y a des écrivains au Pérou, il y a des écrivains en Bolivie, il y a des écrivains brésiliens. Leonardo Padura, alors c'est pas l'Amérique du Sud, c'est les Caraïbes. Ce sera à partir de vendredi un des grands invités de Quai du Polar à Lyon. Qui fait un focus sur le polar latino, peut-être pas avec tous les auteurs, mais... Vous nous dites qu'Alain Léautier, que ses auteurs traduits pour la plupart en français, bien sûr. La plupart sont traduits en français. Très bien. Est-ce qu'ils sont traduits en anglais? Est-ce qu'on reste une exception culturelle pour la traduction des polars du monde entier? Non, certains sont traduits en anglais. Et certains sont d'ailleurs, et c'est une évolution intéressante, j'ai rencontré à Buenos Aires, où pour le hors-série que nouspublions, je suis allé prendre le pouls du polar argentin, qui est probablement aujourd'hui en nombre d'auteurs le plus dynamique, le plus vivace sur le continent sud-américain. J'ai rencontré par exemple un jeune auteur qui n'a pas encore été publié en France, j'espère qu'il le sera bientôt, mais publié en Italie et en Allemagne. On revient à la mondialisation du polar, elle se fait dans tous les sens, elle réserve des surprises, des pays qui n'étaient pas autrefois amateurs de littérature de genre, republient avant nous. Voilà. Le polar en Argentine est quelque chose de massif, d'important, même si les ventes ne sont pas comparables à celles qu'on peut avoir en France. Il y a toute une génération d'auteurs à partir de qui se sont inscrits d'une certaine manière contre la tradition Borges, tout en étant influencés, et comment ne pas l'être, par l'œuvre de Borges, de Cazares et plus tard de Cortázar. Oui, il y a toute une génération d'écrivains qui se sont inscrits dans la littérature de genre, car pour eux, à leurs yeux, la fiction policière, c'était une manière d'être contre la violence policière, contre la dictature policière. C'était presque une mission imposée de leur point de vue à la littérature dans laquelle ils se sont inscrits. Résister, encore une fois, dans des formes narratives qui peuvent être extrêmement diverses, mais résister à l'oppression. De même, il y a aujourd'hui de nombreux jeunes écrivains en Argentine. La dictature n'est plus, elle est terminée, mais qui s'inscrivent eux dans la critique sociale. L'Argentine, c'est un pays à la fois dominant, d'une certaine manière riche, développé, très occidentalisé, mais avec des inégalités sociales sinon comparable au Brésil, enfin en tout cas de même ampleur. Buenos Aires, 15% de la population vit dans ce qu'on appelle là-bas les villas, avec l'accent castillan local, les vichas. 15% de la population, 200 à 300 000 personnes, dans des bidonvilles à peu près comparables à ceux qu'on peut trouver encore dans certains coins du sud-est asiatique ou en Afrique. Ou les favelas du Brésil. Ou dans les favelas du Brésil. Mmh. Et donc là, certains écrivains, par exemple, un écrivain qui a été traduit en France, Leonardo Oyola, un de ses livres se passe dans une de ces villas, il raconte de manière un peu baroque le quotidien dans une de ces villas, les superstitions religieuses, la violence des gangs, le sort des femmes abandonnées par les maris après la quatrième grossesse et qui doivent avorter, les dégâts de la drogue, notamment la drogue qui fait aujourd'hui des ravages à Buenos Aires, qui s'appelle le Paco, qui est une sorte de crack en pire et beaucoup moins cher. Oui, le polar argentin et d'une manière générale le polar sud-américain est vivant, très multiple. Un autre écrivain argentin s'inscrit totalement en faux avec cette tendance que je viens d'évoquer, Pablo De Santis, qui est probablement un des plus merveilleux écrivains existants en Argentine. Il le dit lui-même, moi je n'écris pas sur le présent. J'écris sur le passé, parce que le passé permet d'avoir la distance littéraire. Mais de quel passé ? C'est le passé des dictatures ? Pablo De Santis situe par exemple un de ses récits, un de ses livres à Paris au 19e siècle. Une aventure de détective. C'est d'une certaine manière un récit un peu post-borgésien, pour faire court. Est-ce qu'il y a des détectives, des policiers, des héros, des personnages récurrents dans cette nouvelle manière d'aborder le polar en Amérique du Sud? Oui, il y a certains personnages récurrents chez certains auteurs, mais il faut là préciser que le personnage de détective à l'échelle mondiale est en train peu à peu de disparaître, même si on en trouve trace encore chez différents auteurs et dans différents romans. Le personnage du détective est en train de disparaître parce que c'est très compliqué aujourd'hui d'effectuer un métier de détective où qu'on soit, parce que les forces de police ne le permettent plus, parce que c'est la police aujourd'hui qui a tout l'investigation. Oui, et qui est confrontée aussi de manière très directe à toutes les secousses de la société, que ça soit des secousses sociales, que ça soit des secousses ethniques, que ça soit des secousses religieuses, que ça soit des secousses dans le désordre mental qui s'est emparé de certaines couches de la population. Effectivement, la police est beaucoup plus omniprésente comme acteur de la narration policière. Et puis, c'était un personnage qui apparaissait moins autrefois, c'est le personnage de la victime. Beaucoup de livres maintenant sont écrits aussi du point de vue des victimes, ou sont écrits, on élargit un peu le cadre géographique, ou sont écrits du point de vue des tueurs. Ça a été la vogue des serial killers ces dernières années. Mais donc pour revenir à l'Amérique du Sud, oui, il y a des personnages de détectives, mais surtout, il y a une infinité d'expositions de situations des sociétés sud-américaine. Quand vous parlez de secousses ethniques, moi j'imagine que un polar en Bolivie doit parler aussi du sort des Indiens, par exemple. Alors, des polars boliviens parlant du sort des Indiens, je n'en connais pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que des auteurs occidentaux se sont intéressés au sort des Indiens. Par exemple, Caril Ferré s'est intéressé aux Indiens Mapuches. Là, nous revenons, d'une certaine manière, à la thématique de la mondialisation, c'est que tout se mélange, tout s'imbrique, et des situations des situations locales très éloignées deviennent des éléments de d'écriture et de décor pour des auteurs occidentaux et inversement. Je vais vous citer Pablo De Santis, qui pour moi est un des plus beaux écrivains argentins, qui lui a situé un de ses plus beaux romans dans le Paris du 19e. Merci beaucoup Alain Léautier, on se retrouve demain pour la suite de notre série Le Polar dans tous ses états. Je rappelle que vous êtes journaliste à Marianne et que d'ailleurs vous avez coordonné pour Marianne un beau hors-série qui sort cette semaine et qui est consacré au polar. À demain. À demain. France Culture. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. L'invité culturel. Et mon invité ce matin, Jérémy Régnier, bonjour. Bonjour. Pour le film qui sort aujourd'hui, Wasteland, et comme vous êtes très bon bilingue, vous allez me dire si je prononce bien le nom du metteur en scène, Peter Van Hees. Peter Van Hees. Très bien. Pas loin, pas mal. Vous êtes vraiment bilingue, vous pouvez passer de la langue néerlandaise à la langue française, comme dans le film d'ailleurs. Dans le film, oui, mais c'est la magie du cinéma, malheureusement, on est obligé d'apprendre le néerlandais à l'école. Mmh. En Belgique, mais malheureusement, il me restait pas grand-chose. Du coup, j'ai dû retravailler, retourner sur les bancs de l'école et réapprendre un peu la langue, ouais, pour les besoins du film. Bon, et c'est une des particularités de ce film d'être bilingue. Particularité, oui, c'est sûr que c'est pas courant, surtout en plus dans notre cinéma. Donc c'est un film belge, mais on connaît bien la politique et la fracture linguistique qu'il y a dans notre pays, et voilà, elle rassemble les deux contrées, la Flandre et la Wallonie, enfin, qui est Bruxelles, et Bruxelles est une ville polyglotte. Qui plus est, par une histoire d'amour, ou de couple du moins. Pour une histoire d'amour, oui, et je crois d'affiliation aussi, c'est le rapport à ce personnage qui est un policier avant tout, qui suit une enquête dans ce Bruxelles by night, nocturne, et qui va être confronté à un quartier et à un meurtre dans le quartier congolais de Bruxelles. Alors justement, Jérémy Régnier, est-ce que vous, puisque cette semaine on parle des polars, est-ce que vous avez une culture polar? Est-ce que vous avez lu des polars, vécu dans un milieu où on lit ce genre de littérature? Pas trop. Non, mon père était plus fantastique, ma mère était plus New Age. Vous appelez par New Age, mon Dieu, quel auteur C'était plutôt l'éveil de la conscience, le trip, le meilleur trip pour accéder au bonheur, ce genre de choses-là, l'après 68A. Très bien. Et donc moi, je me suis créé une littérature là-dedans, mais je n'étais pas spécialement attiré par le polar, non, pas spécialement. Donc quand on vous propose ce rôle de policier, on va en parler, Jérémy Régnier, est-ce que ce sont plutôt des films qui vous reviennent en tête pour travailler les codes, quitte à les contourner? Non, le travail a été fait pour l'approche du personnage. J'avais besoin de crédibilité, et pour trouver cette crédibilité, j'ai du coup rencontré pas mal de policiers travaillant à la crime. Et j'aurais posé des questions d'ordre psychologique, par quoi traverse mon personnage, parce que c'est un personnage qui est à la limite de la folie, qui bascule en tout cas, qui est un personnage fragile, et son métier ne l'aide pas en fait. Et voilà, j'avais besoin de savoir si tout ça était possible pour pouvoir l'incarner. Du coup, j'ai rencontré ces gens de la crime, j'ai eu accès à des dossiers, à des enquêtes, et j'ai pu poser des questions. Et c'est vrai que très vite, on m'a dit que voilà, que la police, les gens de ce métier pouvaient basculer, ou c'est dur c'était pas un métier rose comme d'autres, mais voilà. Et par quoi passer le personnage, c'était assez juste. Du coup, ça m'a aidé à le construire. Alors, vous n'avez peut-être pas lu des polars quand vous étiez jeune, vous avez vu des films policiers. Bien sûr, non, mais j'ai lu des polars depuis. Ils m'ont demandé qu'est-ce que je lisais si j'avais un trajet de lecture dans le polar. Ouais, il y a plein de... moi, j'aime beaucoup... maintenant, j'ai pas les noms, mais y a pas mal de polars, ouais, que j'ai lu. Malheureusement, je les ai pas sur le bout de la langue. Et pour les films? Et alors, pour les films, j'aime bien James Gray, comme beaucoup de gens. Plus moins récent, Peur sur la ville, que je trouve intéressant, si je peux faire un parallèle aussi par rapport à Westland. C'est vrai que dès le départ, que ce soit à l'écriture et dans le film, la ville, donc Bruxelles, là, entre autres, est un vrai personnage en soi. C'est... au-delà du personnage que moi j'incarne, Bruxelles a une vraie identité dans le film et c'est un personnage à lui seul. Mais surtout dans Westland, Jérémy Régnier, l'image du super-héros, le flic, est complètement bousculée parce qu'il est tout sauf un super-héros, avec une scène d'ailleurs très forte. Parce qu'on se rend compte que ce flic est un mari en surveillance, puisque la femme de sa vie se demande s'il peut assurer son rôle de père tout en travaillant avec la brigade de la criminalité. Oui, mais je pense encore une fois, j'en reviens sur le fait que c'est des questions que j'ai posées à des vrais flics, et ils m'ont dit oui, c'est sûr que voilà, on a... c'est pas facile de revenir à la maison avec tout ça en tête, être en cours d'une enquête, d'avoir vu un meurtre ou d'être sur une enquête sur un truc affreux. Voilà, de revenir avec ça à la maison, c'est pas toujours évident. Et la question se pose, est-ce qu'on peut faire des enfants avec quelqu'un qui ne vit que de ses crimes abjects? Voilà, je pense que ça raconte le fait d'arriver à faire de la distance ou pas par rapport à son métier et arriver à ne pas être bouffé par ça. C'est un personnage qui est très sensible, qui est plus sensible que d'autres. Et du coup, ce métier, oui, peut le parasiter, l'interroger. Et par ces interrogations, le faire basculer dans une espèce de folie, dans la perte de la réalité, de la conscience. Et on a l'impression qu'il a vraiment besoin de ce métier. Comme vraiment en manque, c'est-à-dire qu'il aurait aimé pouvoir choisir d'avoir un enfant, de rester avec la femme qu'il aime, mais il est vraiment attiré par ce métier. Ouais, mais je pense que c'est l'ambivalence de ce genre de métier très dur, mais psychologiquement, et en même temps, il y a une sorte d'adrénaline, j'imagine, quand on retrouve justement un coupable, quand on cherche, il y a quelque chose qui crée une certaine dépendance d'adrénaline. Et puis il a envie de faire le bien. Je pense que ça part aussi d'une bonne intention. Je pense que là où il se fait piéger aussi d'une certaine manière le personnage, c'est qu'il est en face de la sœur de ce personnage qui meurt, et il lui promet de retrouver le meurtrier, et par cette promesse, d'une certaine manière, ils sont obligés. Sauf que c'est pas un super héros. C'est pas un super flic, c'est pas un super héros. C'est pas un super héros, c'est un flic humain et parfois perdu. Mais justement, assez réel, quoi. Et puis on voit dans ce film des scènes inédites dans le cinéma policier, c'est-à-dire un flic qu'on utilise pour, par exemple, des reconstitutions de crimes. C'est une scène très très forte. Et c'est, une fois de plus, c'est l'image du super-héros qui en prend un coup. Ouais, mais du coup, justement, c'est un côté très réaliste. Je pense que... je ne sais pas comment ça se passe en France, mais moi j'ai été sur des reconstitutions de scènes de crime. Et voilà, le flic va remettre en place les choses. Enfin, c'est très anodin, c'est très, ça paraît, mais malgré l'atrocité de ce qui s'est passé, ça reste très mécanique et on essaye de refaire ce qui s'est passé et au fur et à mesure pour arriver à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce rôle et dans l'univers de ce film Westland de Jérémy Régnier? Ce qui m'a plu, c'est le rapport au réel ou à la fragilité du personnage. Oui, exactement ce que vous dites, et puis aussi qu'on dépeint un Bruxelles qu'on a rarement vu, en tout cas pour moi qui suis bruxellois. Tout d'un coup, je me suis dit, s'il y a un film à faire sur Bruxelles, c'est celui-là. avec les différences, la différence d'ethnie, les différences culturelles. C'est un pays, une ville qui est grise, mais en même temps gorgée de cultures différentes. Et voilà, et je pense que ça retrace bien ce qu'est réellement Bruxelles. Vous vivez toujours à Bruxelles ou... Je vis toujours à Bruxelles, oui. Alors, comment vous faites pour choisir vos rôles, Jérémy Régnier ? Il n'y a pas de trajet, je suis mon instinct, les rencontres que je fais, des films qui me touchent, qui m'ouvrent les yeux sur certains. Vous faites confiance au metteur en scène ou vous lisez tous les scénarios qu'on vous propose ? Ça dépend, je lis tous les scénarios, la plupart en tout cas, la grande majorité. Après, il y a des rencontres qui se font, qui ne se font pas. Il y a des envies au moment même et puis qui ne le sont pas un an avant ou un an après. Des envies qui arrivent, qui n'étaient pas là avant. Donc, tout ça bouge. Après, c'est vraiment l'envie de... Pour moi, en tout cas, c'est de découvrir quelque chose que je n'ai pas découvert. Apprendre des choses que je ne connaissais pas. Et là, en l'occurrence, être flic. Et là, voilà, tout ce que j'ai découvert par le biais de ce film, voilà, l'envers du décor par rapport à ce métier. Et puis la perdition, le fait de... Voilà, jusqu'où on peut se perdre à travers son métier, à travers un questionnement et par rapport à un personnage fragile. Et la transmission, qu'est-ce qu'on peut transmettre ou pas, ou qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants, aux gens qui nous suivent. Comment vous travaillez avec le metteur en scène ? On s'est vu pas mal de fois, on a répété avec les autres acteurs. Après, on a travaillé, c'est un film qui est un petit film, voilà, avec un budget restreint. Du coup, voilà, on n'a pas tous les moyens pour pouvoir répéter beaucoup de temps au préalable. C'était un film rapide qu'il fallait faire en peu de temps, donc serré, ça donnait une cohésion à tout ça, une rapidité, une force de devoir faire les choses. En combien de jours de tournage ? Je ne pourrais plus vous dire parce qu'on a tourné il y a un moment, mais je pense une vingtaine de jours. Ouais, ce qui est court. Ce qui est assez court pour un film, ce qui devient malheureusement de plus en plus fréquent pour ce genre de films, qui sont un peu des films qui sortent un peu du parcours mainstream. Et voilà, mais... Et pourtant, même s'il joue avec les codes du genre, on peut dire que c'est un polar. Oui, c'est un polar. C'est un polar sur un flic en dérive, qui perd pied, et sa famille, et les gens qui l'entourent, et voilà, qui suit une enquête qui ne comprend plus. Voilà. Et vous, vos références pour ce genre de rôle, c'est quoi ? C'est d'essayer de revoir tous les films d'Al Pacino ou pas non, du tout ? Non, j'ai pas eu trop de références. Non, je vous dis... Sinon, ce que vous avez vu sur place à Bruxelles ? Ce que j'ai vu, et puis, ouais, et puis le rapport... c'était plus le gouffre de la folie et de jusqu'où on peut perdre pied. Et ça, c'était le travail qui a été parfois difficile pour arriver à trouver le bon ton, pour pas en faire trop, en faire juste... assez pour que ce soit visible. Et voilà, la folie, c'est toujours délicat de l'interpréter. Ça peut vite être too much, et puis ça dépend quelle folie. Et voilà, mais c'est agréable parce qu'il y a une façon de se laisser complètement porter. Et ce que je disais au réalisateur d'ailleurs, je lui disais, écoute, à un moment donné, moi je vais me laisser complètement porter, donc c'est à toi de me gérer et de me déplacer, de m'aiguiller, parce qu'à un moment, j'aurais plus de vision. Eh bien, c'est parfait, Jérémy Régnier. Merci d'être passé ce matin. Je rappelle que le film Westland sort aujourd'hui. C'était Un autre jour est possible, à retrouver sur franceculture.fr ou les réseaux sociaux habituels. Réseaux sociaux d'ailleurs animés par Sacha de Persin. Émission préparée avec Henri Leblanc, réalisée par Thomas Duterre, avec aujourd'hui à la technique Julien Doumanc. J'espère vous retrouver demain à la même heure pour la suite de notre série Le polar dans tous ses états. Bonne journée, à demain.